بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الرابع والعشرين في تفسير كتاب الله تعالى. Bienvenue aux mes frères et sœurs pour ce 24e cours dans l'exégèse du livre d'Allah, le Très-Haut. On va continuer aujourd'hui et terminer ce qui reste de la sourate Al-Mutaffifin. Et certes, on est arrivé à la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit « Innal ibrara lafi na'im ». Certes, les pieux sont dans une félicité. « Alal ara'iki yanzurun » Sur des divans, ils regardent. Ta'rifu fi wujuhihim nadaratan na'im. Tu reconnais sur leur visage l'éclat de la félicité. Yusqawna min rahiqin makhtum. On leur sert d'un nectar cacheté. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Un nectar laissant un arrière-goût de musc et que les concurrents se concurrencent en cela. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم Et son mélange est à base de tasnim. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ Une source dont boivent ceux qui sont rapprochés. La parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit « Innal ibrara lafi na'im » Certes, les pieux sont dans une félicité, un bonheur. « Hadha 'am yashmalu na'im al-badan wa na'im al-qalb » Cette parole est générale, elle englobe la félicité, le bonheur du corps et celle la félicité du cœur, pouvant se trouver donc dans le cœur. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Sur les divans, ils regardent. أي هذه الأرائك المزينة المفخرة C'est-à-dire ces divans, ces canapés qui sont embellis et luxueux. يَنْظُرُونَ إِلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ Ils regardent les bienfaits que Allah leur a accordés. ومن أهل العلم من قال إن هذه الآية تشمل أيضا النظر إلى وجه الله تعالى. Et parmi les gens de science, il y a certains qui disent que ce verset englobe aussi le fait de regarder le visage d'Allah, le Très-Haut. Ensuite, Allah qui dit تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظَرَةَ النَّعِيمِ Tu reconnais sur leur visage l'éclat de la félicité. إذا تلذذ الإنسان بالنعيم في الدنيا ودخل السرور في قلبه ظهر ذلك على وجهه فما بالكم بنعيم الجنة Lorsque la personne profite des délices qu'il y a ici-bas et que ce plaisir va pénétrer son cœur, cela va être apparent sur le visage de l'individu. Ça, c'est ici-bas. Alors, que devons-nous dire des délices et du bonheur du paradis ? Yusqawna min rahiqin makhtum. On leur sert d'un nectar cacheté. Ce qui est voulu par un nectar cacheté, c'est un nectar qui laisse un arrière-goût. Un nectar, c'est l'alcool, le khamr. فهو شراب خالص لا ضرر فيه على العقل ولا يسبب الصداع كما هو حال الخمر في الدنيا. Et donc c'est une boisson qui est pure, qui ne provoque aucun mal à la raison et qui n'est pas la cause, qui n'est pas la cause de maux de tête comme c'est le cas de l'alcool ici-bas. وَكَذَلِكَ خَمْرُ الدُّنْيَا خَبِيثُ الرَّائِحَ أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَبَقِيَّتُهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ. Et aussi, l'alcool ici-bas laisse une mauvaise odeur. Mais dans l'au-delà, alors, l'alcool laisse une bonne odeur. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala, il dit, خِتَامُهُ مِسْك, laissant un arrière-goût de musc. فَهَؤُلَا الْأَبْرَارِ لَمَّا امْتَنَعُوا فِي الدُّنْيَا عن هذه الملذة التي حرمها الله عليهم أعطاهم الله خيرا منها في الجنة. Alors ces pieux, lorsqu'ils se sont privés de ce délice ici-bas, de ce délice que Allah leur a interdit ici-bas, lorsqu'ils se sont privés de cela, Allah Ta'ala, il leur a accordé mieux que ceci, mieux que ce délice dans l'au-delà. Allah Ta'ala leur a accordé une meilleure boisson dans l'au-delà parce qu'ils se sont privés de celle-ci ici-bas. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit « وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ » et que les concurrents se concurrencent en cela. فَعَلِينَ أَن نَفْهَمَ أَيُّهَا الْإِخْوَى وَالْأَخَوَاتِ أَنَّ التَّنَافُسَ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّ لَا يَنْفَعُنَا بَلْ يَدُرُّنَا وَهُوَ سَبَبٌ لِهَلَاكِنَا. Et donc nous devons comprendre, ô frères et sœurs, que la concurrence concernant les sujets mondains ne nous est pas profitable, mais au contraire, celle-ci nous fait du tort et cause notre perdition. أخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم في الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil, selon Amr ibn Auf al-Ansari radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit par Allah, ce n'est pas la pauvreté qui me fait peur vous concernant. Cependant, je crains vous concernant que les richesses vous soient accordées ici-bas, comme elles ont été accordées à ceux d'avant vous. Et que vous vous concurrenciez dans ces richesses comme ceux d'avant vous se sont concurrencés dans cela, et que cela vous mène à la perdition comme cela les a menés, eux, à la perdition. Allahu Akbar. Amma at-tanafus fi ad-din fa huwa at-tanafus fi ath-thawab al-'azim ad-da'im. En ce qui concerne la concurrence dans la religion, alors, c'est la concurrence qui est liée à la récompense grandiose, la récompense éternelle. Allah Ta'ala qui nous dit « Wa mizajuhu min tasnim » son mélange est à base de tasnim « Wa hadha al-thawab aw hadha al-sharab mamzujun min tasnim wa tasnim a'la ashribati al-jannah » Et donc, cette boisson, elle est mélangée de tasnim. Et tasnim, c'est la meilleure des boissons du paradis. فَإِنَّهَا عَيْنٌ خَالِصَةٌ لِلْمُقَرَّبِينَ. C'est la meilleure des boissons du paradis, car c'est une boisson, c'est une source qui est spécifique à ceux qui sont rapprochés d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala qui dit وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمْ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Et son mélange est à base de tasnim, une source dont boivent les rapprochés. Une source dont boivent les rapprochés d'Allah Ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit, Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Certes, les criminels se moquaient de ceux qui ont cru. Se moquaient des croyants. Wa idha marru bihim yataghamazun. Et lorsqu'ils passaient à côté d'eux, faisaient des signes moqueurs. Wa idha qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Et lorsqu'ils retournaient dans leur famille, alors ils plaisantaient. Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Et lorsqu'ils les voyaient, ils disaient certes, ceux-là sont réellement égarés. Wa ma ursilu alayhim hafidhin. Et ils n'ont pas été envoyés vers eux pour veiller sur eux. Fal mujrimun al-usat kanu yaskharuna min alladhina amanu wa yastahzi'una bihim fi ad-dunya. Et donc les criminels, les désobéisseurs, ils prenaient en raillerie ceux qui ont cru. Ils prenaient en raillerie les croyants et se moquaient d'eux ici-bas. Et lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ils faisaient des signes moqueurs. Aïe, idha marra al-mu'minuna bil mujrimin. Aou, idha marra al-mujrimuna bil mu'minin. Fi kilta al-halatayn. يغمز المجرمون إلى المؤمنين ويستهزئون بهم. C'est-à-dire, donc, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Et lorsqu'ils passent à côté d'eux, ils font des signes moqueurs. C'est-à-dire que lorsque les croyants passent à côté des criminels, ou alors lorsque les criminels passent à côté des croyants, dans les deux cas, dans les deux situations, les criminels vont faire des signes moqueurs pour prendre en raillerie les croyants. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Et lorsqu'ils retournent vers leur famille, ils retournent en plaisantant. فَيَفْرَحُونَ بِكَوْنِهِمْ يَسْخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ الْمُتَمَسِّكِينَ بِمَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ رَبِّهِمْ. Et donc, ils sont fiers et heureux du fait qu'ils se moquent des gens de la vérité, des gens qui se sont accrochés à ce avec quoi sont venus les prophètes. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et lorsqu'ils les voient, ils disent que ces gens-là sont réellement égarés. فَيَرْمُونَ أَهْلَ الْحَقِّ بِأَنَّهُمْ ضُلَّلَ. Et donc ils accusent les gens de la vérité qu'ils sont égarés. وَهَذَا فِكُلْ لِزَمَنْ. Et ceci se produit à toute époque. قَدْ رَمَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِأَنَّهُ سَاحِرٌ وَأَنَّهُ ضَلٌ وَغَيْرِ ذَلِكِ. Certes, les polythéistes ont accusé le prophète صلى الله عليه وسلم d'être un sorcier, d'être égaré et autre que cela. وَاسْتَهْزَأُوا مِنْهُ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et ils se sont moqués. Les polythéistes se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants. Thumma stahza'a ahlul bid'a bi ahli sunnati al-muttabi'in lir-rasul as-salikin sabil as-sahaba. Ensuite, après cela, les gens de l'innovation se sont moqués des gens de la sunna, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et empruntent la voie des compagnons. فَرَمَوْهُمْ بِأَلْقَابٍ ظَالِمَةٍ. Alors ils les ont taxés de sobriquets injustes comme Al-Hashawiyya, Al-Mujassima, Al-Wahhabiyya, Al-Jamiyya, Al-Madakhila et autres comme sobriquets pour se moquer des gens de la Sunna. فَلَا تَسْتَوْحِشُوا مِنْ كَوْنِ النَّاسِ يَسْتَهْزِئُونَ مِنْكُمْ لِتَمَسُّكِكُمْ بِالْحَقِّ. Alors, ne soyez pas touchés et accablés par le fait que les gens se moquent de vous à cause du fait que vous êtes accroché à la vérité. Bilkitab wa sunna, à cause du fait que vous êtes accroché à la vérité, le livre et la sunna. El yawm idha tamassaka ar-rajul bilkitab wa sunna qila innahu mutashaddid. Aujourd'hui, si l'individu s'accroche au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup disent qu'il est dur. Wa kadhalika al-mar'a yastahzi'u biha al-ba'du min ajli hijabiha. Et aussi la femme, certains se moquent d'elle à cause de son voile. Fa ya ahl as-sunna ahl al-haqq la yadurrukum kawnu an-nasi yastahzi'una bikum. Et donc les gens de la sunna, les gens de la vérité, le fait que les gens se moquent de vous ne vous fait aucun tort, car la bonne fin est pour les muttaqoun, ceux qui craignent leur Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit « Wa ma ursilu alayhim hafidhin » et ils n'ont pas été envoyés vers eux pour veiller sur eux. « Fa hakamu ala ahli al-haqqi bi annahum dullal mu'tamidina ala hawahum wal hukmu lillahi wahda » et donc les criminels ont jugé les gens de la vérité en les taxant d'égarés, en se basant sur leur passion. Mais le jugement appartient à Allah seul. Ensuite Allah Ta'ala qui dit فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Alors aujourd'hui, ceux qui ont cru se moquent des incroyants, c'est-à-dire dans l'au-delà. وَهَذَا الضَّحِكُ الذي هو الضحك الذي لا يعقبه حزن ولا بكاء. Et le fait de rire ici, le fait de rire ici et de se moquer n'est pas suivi par la tristesse ni par le fait de pleurer. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Sur des divans, ils regardent. Donc les gens, les croyants, seront sur des divans à regarder. Qu'est-ce qu'ils regarderont ? يَنْظُرُونَ أو يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَإِلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا. Et donc les croyants, ils regarderont leur Seigneur et regarderont ce qu'il leur a accordé comme bienfait. Et ils regarderont les incroyants qui se moquaient d'eux ici-bas. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Est-ce que les incroyants furent rétribués pour ce qu'ils faisaient ? نَعَمْ جُوزُوا بِأَعْمَلِهِمْ. Oui, ils ont certes été rétribués pour leurs actes. Fel ukuba min jinsil amel. Certes, la sentence est du même genre que l'œuvre. Ils se moquaient des croyants ici-bas, alors les croyants se moquent d'eux dans l'au-delà. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi les croyants, parmi les gens du paradis, ceux qui pourront profiter des délices du paradis et ceux qui pourront le voir dans l'au-delà. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.